politiques possibles, et en fait, après avoir réfléchi, c'est plus des futurs possibles. C'est plus ça, en fait. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Quand j'ai proposé ça, en fait, j'avais un seul futur en tête, et j'ai essayé de réfléchir à d'autres potentiels. Donc là où j'aimerais bien commencer, c'est sur qu'est-ce qui se passerait si on faisait rien? Si on laissait les choses continuer telles quelles et qu'on jouait le jeu de la représentativité, jusque où on irait? De ce que je vois et de ce que j'ai entendu, on irait dans un futur avec énormément, énormément de moyens techniques, alors que, bizarrement, on a toujours autant besoin de bosser, voire plus. Ce qui est bizarre parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'en plus on a de plus en plus de machines. Ce qui est censé d'ailleurs faire le travail de plusieurs hommes. Une machine fait le travail de plusieurs hommes. Et pourtant on a toujours besoin encore plus de bosser pour survivre. Alors voilà. Bon, ça c'est. Si on laisse faire, on va arriver à quoi? On va arriver au transhumanisme, on va arriver aux choses, aux cyborgs, aux gens qui sont à moitié humains, moitié robotisés. C'est déjà le cas, en fait. Je veux dire, à l'heure où je vous parle, les pacemakers, ça existe depuis bien longtemps. Maintenant, il y a des exosquelettes pour les militaires, pour porter plus de poids. Il y a des aveugles qui bientôt verront mieux qu'un voyant. Des amputés qui ont des jambes qui sont 10 fois plus costauds, qui peuvent prendre des charges, d'anciens amputés qui deviennent plus compétents que le commun des mortels. Ce qui en reviendra à un gros problème, c'est qu'après, plus tard, si tu veux trouver du boulot, voilà, il faut être augmenté, il faudra être augmenté. On aura besoin, voilà, c'est vrai, hein, si t'es face à un mec, il a deux bras qui peuvent porter le triple ou le quadruple de ta charge, c'est lui qu'on va prendre, c'est pas toi. Donc, bon, voilà, ça c'est si on laisse faire. J'ai l'impression que si on laisse faire, c'est ce qui va arriver. Hein. Voilà. Tu veux réagir par rapport à ça? Ouais. Ben voilà, vis-à-vis de la technologie, bon, je répète hein, quelque chose, il y a des grandes études menées par des grands cabinets de conseil qui disent que d'ici 20 à 30 ans, il y aura 50% de la population mondiale remplacée par des machines. Donc voilà, soyez-en conscients. Et encore une fois, la technologie, la technologie, le fait est, c'est un outil. Regardez même les champs. Les champs, c'est de la technologie. Là, on parle de cyborgs, de bras, mais les premiers hommes, nos ancêtres, quand ils ont fait des champs, ils ont pris des graines de plantes et ils les ont alignées une par une en ligne. C'est de la technologie. Sinon, si vous voulez si vous voulez rester à l'ère où vous êtes, ben, retournez vivre en tant que chasseur-cueilleur et arrêtez d'être contre la technologie. Après, moi, je trouve que, moi, personnellement, moi, personnellement, je suis pour vraiment l'essor de toutes ces technologies, après de façon régulée évidemment, mais voilà, après le problème c'est comment on l'inscrit de manière équitable dans une société moderne. Enfin, on pourrait très bien établir que voilà, si on pense à des choses voilà comme le salaire universel, voilà, on peut dire ben voilà, il y a une partie de la population, ben, si elle a envie de s'augmenter, de modifier ses gènes, de modifier les gènes de ses enfants, et ben elle a le droit. Parce qu'elle a le droit, moi j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, je suis désolé, si j'ai envie de me modifier mes gènes pour voir mieux que vous, j'ai le droit. Si vous voulez pas le faire, tant pis pour vous, mais vous n'avez pas le droit de me l'interdire. Après, voilà, le problème, c'est comment l'inscrire correctement vis-à-vis. Oui, pardon. Oui. Enfin, voilà, c'est juste, voilà, je pense que c'est un droit à chacun de décider de ce qu'il fait de son corps, de comment il le modifie, et que si on veut l'interdire, c'est interdire la technologie. Enfin, il est, enfin, parfois c'est plus, c'est pire. Ouais, oui, mais parfois c'est pire de ne rien faire que de faire quelque chose. Oui, merci. Alors en fait, là mon but quand j'ai parlé de ça, c'était pour dire simplement que si on laissait les choses actuelles, on laissait nos représentants, enfin nos soi-disant représentants, continuer de faire dans leur sens, c'est là où on va arriver, puisque c'est ce qui est mis en place par beaucoup de pays, hein, c'est la suite du programme. Bon, alors nous, dans ce constat, moi, de ce que je vois, c'est qu'on n'a aucun contrôle. Ils mettent ça en place, mais on peut pas choisir si oui ou non on le veut, quelle éthique on veut dessus. Enfin, peut-être ils nous donneront le choix plus tard, mais c'est encore une fois, je pense, assez utopiste d'espérer qu'un jour ils nous donnent un quelconque contrôle, au moins un contrôle. Parce que moi, c'est ce qui me gêne dans les futurs possibles, enfin ce qui me gêne dans notre présent plutôt, c'est le fait qu'on n'ait aucun contrôle. On peut choisir un homme ou un autre, mais en aucun cas on a le contrôle sur les choix politiques. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on choisit pour l'un qu'on a du contrôle pour les choix politiques qu'il va prendre. À aucun moment, même s'il est bien intentionné et qu'il nous propose des bonnes lois, on peut dire oui ou non. On est d'accord, enfin, on n'a pas le choix en fait. C'est ça le problème, c'est que même si on choisit le moins pire, il y aura toujours une majorité de gens qui sera mis de côté, et les choix qui seront faits, ce sera toujours une personne qui le décide pour une grande majorité. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça le problème. Alors c'est pour ça que dans la politique future possible, moi, je peux juste vous parler de ma vision. J'espère que d'autres gens, après que j'ai exposé ma vision, viendront m'expliquer une autre façon, une autre vision. Alors, ça fait un moment que je me pense sur le sujet. Hein. Depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 14 ans, je dis à des adultes, mais on vit dans un monde gouverné par des gamins. J'étais ado, hein. Je veux dire, j'étais jeune adolescent et je disais ça. Je trouve ça un peu aberrant d'un enfant d'avoir à dire ça, mais personne ne me contredisait. Hein. C'est-à-dire tous les adultes, ils disaient, bah oui, c'est vrai qu'il y a des choses énormes qu'on pourrait faire avec les gens, avec l'entrain de chacun. On pourrait aller très loin et on en est réduit à juste ça, quoi. À essayer de juste survivre. Alors que, franchement, si on nous laissait faire, si on avait le choix pour toutes les politiques de développement ou autres, à mon avis, on serait bien plus loin. Et on aurait peut-être plus facilement accepté la technologie telle qu'elle est. Parce que là, c'est... Là, le fait qu'elle nous soit imposée, c'est normal qu'il y ait des gens qui disent non, tout court. Ils veulent pas réfléchir au bien ou au mal que cela engendre, ils disent non parce que c'est quelque chose qui est imposé. Alors que si c'était quelque chose qui était choisi par le tout un chacun, ce serait différent. On serait obligé d'adopter des éthiques, tu vois, je parle pour le futur, que si jamais t'es augmenté, eh ben, t'as pas plus de droit d'avoir un boulot qu'un autre. Tu vois, des trucs comme ça. Mais en l'occurrence, là, quand ça va... on n'aura aucun contrôle là-dessus. Alors, je vais enfin exposer le futur possible que j'imagine. Mais après, c'est quelque chose que je dis souvent. Donc, voilà, je vais répéter quelque chose que je connais. Alors, j'imagine un monde où tous les peuples, au moins, si on parle encore de pays, que tous les peuples aient au moins eux-mêmes écrit leur constitution. Voilà. Moi, je parle de ce principe-là, qu'au moins les règles du contrat social, pas forcément, on n'est pas obligé de l'appeler constitution, mais le contrat social, ça doit être à nous de l'écrire, à personne d'autre. C'est pas à des gens qui sont déjà impliqués dans le pouvoir, qui ont déjà un intérêt à garder le pouvoir, c'est pas à eux de les laisser écrire, enfin, c'est pas à eux d'écrire les règles. Sinon, on est forcément berné, c'est comme le disent certains, tu vas pas jouer à un jeu avec celui qui a inventé les règles du jeu. T'es forcément perdant, t'y arriveras jamais. Mais là, c'est pareil, c'est demander à quelqu'un qui est pas compétent pour parler au nom de tous du bien commun, parce qu'il forcément, il est pas compétent vu qu'il a un intérêt propre à garder cette place. Comment est-ce qu'il peut avoir la compétence du bien commun alors que tout ce qui l'intéresse, c'est depuis le début de sa vie, comme nous tous, c'est de faire évoluer son échelle sociale par le biais de son école et tout ça, enfin d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Une fois que t'es en haut, tu vas pas lâcher le morceau. Comme nous tous, quand on arrive à trouver une place dans un boulot qui est bien, qu'on est bien comme il faut, on va pas le lâcher. Mais c'est pour ça que moi, je remets même pas la faute sur ces politiciens actuels, parce qu'eux, ils font que jouer des règles qui vont totalement dans leur sens, qui leur laissent avoir tout pouvoir et aucun contrôle. Donc alors, j'imagine qu'au moins un peuple écrive sa constitution. Qu'est-ce que moi j'écrirais si j'étais tiré au sort pour le faire? Parce que j'imagine que c'est le tirage au sort qui peut... Et j'imagine aussi que c'est plusieurs personnes tirées au sort qui le font, d'écrire une constitution. C'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Et une fois qu'ils l'ont écrit, ils le présentent en référendum au peuple. C'est pas des gens qui écrivent dans leur coin, puis après qui adoptent tout ça au nom de tous les Français, non. Ou au nom de tous les peuples, parce que, bon, voilà. J'imagine un référendum pour accepter la Constitution, mais un référendum, pas avec la majorité, avec du 70%, du 90%, quelque chose qui représente vraiment un accord, quoi. Si on est tous d'accord sur un texte, il y a au moins 90% des gens qui vont aller voter et tout ça. Alors tout ça, ça engage quoi? Ça engage une paix sociale. Tu peux pas arriver à faire un processus constituant adéquat, je pense, si tout le monde n'est pas plus ou moins éduqué sur la question. Si le clampin qui est, n'importe qui est au fin fond de sa montagne, qui connaît rien à la politique, il n'a pas déjà eu l'idée du processus constituant, que même si il se sent pas compétent, il l'est en fait, que quelqu'un qui n'ait pas eu une éducation, il faut qu'on ait une espèce d'éducation qui nous explique ça, qu'on est tous capables de penser le bien commun. Il n'y a personne d'autre que nous qui en sommes capables d'ailleurs. Mais pour ça, il faut arriver à une éducation populaire. Comment on va y arriver? C'est pas par le biais actuel. Je pense pas que le bien, enfin, nos politiciens actuels, ils vont nous laisser l'occasion, ou alors apprendre à l'école, ou alors organiser des études gratuites, des formations gratuites sur cette question-là. C'est pas eux qui vont l'organiser, c'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de garder leur place. Donc, dans tous les cas, ils vont nous empêcher de faire ça, en le faisant pas, ou en n'en parlant pas, comme ils le font très bien d'ailleurs. Hein. Ils n'en parlent pas. L'idée d'un peuple qui réécrit sa constitution, ils n'en parlent pas, alors qu'il y a d'autres peuples qui le font. Quand l'Islande l'a fait, ils n'en ont pas parlé. C'est-à-dire, ça a été motus et bouche cousue. Moi, je l'ai su de la bouche d'un Islandais, parce que voilà, que j'ai croisé un Islandais, j'ai eu de la chance. Sinon, je l'aurais pas su, quoi. Bon, voilà. Enfin, moi pour ça, qu'est-ce que j'écrirais si j'étais tiré au sort? J'écrirais un contrôle de chaque institution citoyen, avec des assemblées de citoyens tirés au sort, avec une grosse rotation, qui ne peuvent pas cumuler les mandats. Ils sont tirés au sort pendant 3 ans pour aller contrôler les médias. Au bout des 3 ans, ils rentrent chez eux, ils ont une garantie de retour à l'emploi, ils ont eu une paye, et ils ne peuvent pas être retirés au sort. Ils ont été tirés au sort une fois pour les médias, ils ne seront pas retirés au sort. Ils ont été tirés une fois au sort pour faire les assises, ils ne seront pas retirés au sort pour les assises. On attend qu'au moins tout le monde soit au moins une fois tiré au sort avant de recommencer à ce que quelqu'un cumule. Donc moi je pense à ça, je pense des contrôles citoyens tirés au sort pour toutes les institutions. Il n'y en a pas une qui est épargnée. Hein, le pouvoir, l'institution monétaire, toutes les institutions, hein, l'éducation. Encore plus l'éducation. S'il n'y a pas un organe de contrôle citoyen tiré au sort pour vérifier que à l'éducation nationale ils apprennent un truc qui est en rapport avec la société actuelle, et qu'ils apprennent des choses intéressantes aux enfants, quoi, pour aller plus loin, quoi, pas juste être des consommateurs. Je pense que si on avait déjà au moins ça, des contrôles de citoyens tirés au sort qui vérifient que chaque institution respecte bien ce qu'elle est censée respecter, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on avait au moins ça, je pense qu'on en serait bien plus loin. Ça fait longtemps que, de toute façon, des gens auraient mis le référendum comme quelque chose de normal. C'est pas une fois de temps en temps pour un gros truc. Et en plus, ils nous écoutent pas. Moi, c'est ça qui me fait pire. Qui m'énerve vraiment, c'est que ils font symbole de la démocratie. Et puis, quand ils nous proposent un référendum et qu'on dit non à 50 et quelques %, ils s'en foutent, 54, c'est ça? Ils s'en foutent complètement. Ils nous imposent un truc. Alors, je vois pas pourquoi on va continuer à leur faire confiance, à faire confiance à un système qui n'écoute même pas ses propres règles. C'est-à-dire que les mecs, ils écrivent des règles, ils jouent avec les règles tout le temps, et puis quand ils nous disent « Allez-y, jouez le jeu », ils respectent pas les règles, ils trichent. Alors, comment est-ce que vous pouvez croire, franchement, que un seul homme, même si moi, disons, j'étais choisi président, je n'y crois pas du tout. Je pourrais pas arriver là-haut et faire si on va faire ça, on va commencer, on va faire des ateliers d'études de la Constitution partout en France, comme si on allait me laisser faire. Je veux dire, alors c'est là que je propose une idée à tous ceux qui se présentent à laprimaire.org, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une plateforme pour permettre à tout citoyen d'être président. Enfin voilà, ils essayent de mettre en place un système avec Internet et tout ça. Et alors, ce que je propose à tout candidat, pour avoir un réel pouvoir, une réelle écoute de la part du peuple, c'est de dire, moi, si je suis président, je mets une GoPro sur la tête, relié à satellite, pour faire du live, streaming live 24/24. Quand je rentre à l'Elysée, j'ai ça sur la tête, et comme ça, de façon transparente, je monte. Ben, voilà, c'est un peu utopique, ou peut-être même un peu, je sais pas, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on nous fait des émissions comme Love Story, où ils sont capables de mettre du 24/24 des conneries à la télé devant tout le monde, et de pas nous montrer l'Elysée 24/24, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se discute, voilà. Oui, ils font des sénats. Ouais. Ah, Political Reality, hein? En Europe de l'Est, d'après... Hein? Ouais, c'est marrant. Ouais. Tant mieux que ça existe, tu vois, mais chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a aucun moment, le mec qui est président, il a peur de quoi que ce soit. Il sait qu'il a 5 ans, où il fait plus ou moins ce qu'il veut. Et d'ailleurs, s'il mate bien les insurrections comme aujourd'hui, il peut faire vraiment ce qu'il veut, quoi. Hein. Et puis pendant 5 ans, hein, je veux dire, alors que normalement ça fait déjà 2-3 ans que des gens auraient dû pouvoir le virer. Il est toujours là, il y a une contestation immense, il a une opinion favorable qui descend à mon avis dans les moins de 10%, hein, parce qu'ils gonflent les chiffres, ils font croire que c'est du 17%, du moins de 20%, mais c'est du moins de 10%. Hein. Franchement, en plus, ils comptabilisent des gens qui n'ont pas leur carte électorale. Enfin, ils comptabilisent pas les gens qui n'ont pas leur carte électorale dans leur sondage. Donc, je vois pas. Tu vois, un mec à 17% qui gère un pays, je comprends pas quoi. C'est pas logique quoi. Ça devrait être. D'ailleurs, moi qui étudie un peu la Constitution, si on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès le 17e article, il est écrit noir sur blanc que toute société dont les pouvoirs, la séparation des pouvoirs ne sont pas déterminés. Donc je vais vous prendre un exemple, c'est les finances, hein, les banques. La séparation des pouvoirs de la banque, elles ne sont pas déterminées. Hein. En France, c'est pas déterminé. Et ben, dans le 17e article, il est écrit que toute société qui n'a pas les pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Donc on n'a pas besoin d'aller au-delà, hein, juste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dedans, c'est écrit. La France n'a pas de constitution. Donc pourquoi commencer à essayer de faire des trucs avec les primaires ou 2017 et tout ça, alors qu'on sait très bien que toutes les règles sont vissées, qu'on pourra plus ou moins rien faire, et que même si un bon samaritain arrivait là-haut, il pourra rien faire. Je vois pas. Enfin, j'aimerais bien qu'on me dise oui, il peut faire quelque chose, mais dans ce cas-là, il y a que l'idée de la GoPro sur la tête. Hein. Parce que sinon, avec les menaces qu'il va recevoir, les trucs, les machins, il n'y a qu'avec une GoPro qu'au moins on empêchera ça. Quoi. Mais, enfin voilà. Quelqu'un va intervenir ? Attendez, il y a madame d'abord. C'est court, hein. C'est court ma question. C'est juste par rapport au référendum pour tout décider. J'imagine que par rapport à la peine de mort, si on avait fait un référendum, ça serait, l'abolition serait peut-être pas forcément passée. Pour l'avortement. L'avortement, pareil, si l'autorisation à l'avortement ne serait jamais passée si on avait fait un référendum, du coup, c'est quoi ta réponse par rapport à ces problématiques ? Alors, ce que je comprends pas, c'est que ça a été enlevé, la peine de mort, non ? Oui. Ah, si à l'époque où on a enlevé la peine de mort, on avait fait un référendum, elle serait restée ? Oui, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'elle serait... Oui, mais bon, voilà. Enfin, bien sûr, il faut qu'on adapte à chaque époque, bien sûr. Mais regarde, la démocratie à Athènes, pendant 200 ans, elle n'était pas complète, la démocratie. Il y avait des... voilà, il n'y avait que les hommes, il n'y avait pas les femmes, il y avait tout ce qu'on appelle les métèques. Ça faisait quoi? Juste 40% de la population qui pouvait être tirée au sort. Donc, c'est clair que ces exemples-là, ce sont... Il y a quelques trucs qui sont des bons exemples, mais tout n'est pas à prendre. Et puis il faut adapter au contexte actuel. Maintenant, on a une éducation vachement plus grande. Il n'y aurait pas une majorité. C'est des débats qui doivent être remis. Si le peuple veut en reparler, si le peuple veut reparler de ça, je vois pas pourquoi vous ou un autre va imposer sa vision des choses. Dans tous les cas, si il y a 50% de la population ou un peu moins ou un peu plus qui veut reparler de ça, il a le droit de pouvoir en reparler. Le problème, il est là, il n'est pas oui, mais si on arriverait au pire, ben, forcément, on arriverait peut-être à un pire ou pas à un pire, mais ça vaut mieux que ça, quoi. Voilà, ça serait choisi, quoi. Au moins, les gens, voilà, il y aurait une. Si, parce que le truc, c'est d'arrêter les référendums à la majorité. C'est un référendum, c'est 90% ou 70%. Là, on parle d'un vrai référendum. Alors qu'un référendum à la majorité, c'est pas du tout représentatif. C'est représentatif de la moitié de la population. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Vous y croyez dans un système actuel, mais moi, je pense que pour arriver déjà à réécrire une constitution, il faut que le peuple y soit instruit déjà pour qu'on réécrive une constitution. Donc une fois instruit, le peuple, quand il sait qu'il a le droit d'aller voter pour chaque chose, qu'il a une petite plateforme internet pour aller voter un petit truc, t'inquiète que les 70%, tu les as rapidement parce que les gens, ils vont s'intéresser un peu à leur politique. Là, ils s'en désintéressent total parce qu'ils n'ont aucun contrôle et aucun pouvoir dessus. C'est pour ça qu'on est si mal éduqué vis-à-vis de la politique. C'est parce qu'on n'a aucun contrôle et aucun pouvoir. On s'en désintéresse. On peut aller sous la tente, mais oui. On va sous la tente, on va pas sous la tente. Ce que tu disais est intéressant. Après, sur la question de majorité, qu'est-ce que c'est une majorité ? Est-ce que c'est 50%, 60%, 70% ? C'est compliqué. Moi, enfin, je pense déjà que rien que cette question, elle est extrêmement compliquée. Et ensuite, je trouve que dire que c'est 70%, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, parce que ce qui est intéressant justement dans une démocratie, c'est la pluralité des opinions. Et ce que tu sous-tends en disant qu'il faut 70 ou 80%, c'est qu'il y ait, que tout le monde ait la même opinion. Après, et ça, c'est pas possible. Sinon, on vit dans un monde où tout le monde pense la même chose, exactement. Donc, enfin, et après, encore une fois, bah oui, je suis désolé, mais... Oui, enfin non. Oui. Donc... Oui, bien sûr qu'on veut tous le bien-être, mais après, personne n'a la même définition du bien-être. Après, on a des notions qu'on peut appeler communes, en supposant qu'elles sont vraiment communes, parce que vu qu'on est chacun des êtres uniques, avec une expérience unique, on a tous une définition unique de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on sent. Donc, il faut trouver des compromis, évidemment, mais je trouve que dire que 70%, ça sous-tend qu'on doit tous penser la même chose, alors que non, c'est pas intéressant. C'est justement parce qu'on pense des choses différentes que la vie est intéressante. C'est justement parce qu'on est différent que les choses sont intéressantes. Sinon, on sous-tend, c'est quoi la perfection? C'est être tous pareils. Donc moi, dire oui, il faut 90%, ça veut dire que tu supposes qu'on doit être à 90% tous les mêmes. Ce qui est à 100% entièrement chiant. Voilà. Enfin, merci. Alors, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Hein. Être à 90% tous d'accord sur un sujet, ça veut pas dire qu'on est tous d'accord. Ça veut dire qu'on est tous conscients que pour le bien commun, il faut faire un pas de l'avant. Pas juste dire non. Pour l'instant, il n'y a pas mieux. Moi qui suis pas d'accord, je n'ai rien proposé de mieux. Tu vois, je n'ai pas fait de proposition et du coup ça n'a pas été entendu. Il n'y a pas ma solution qui a été. Donc je vais tout faire pour que ma solution soit entendue. Et donc à ce moment-là, la personne qui n'est pas d'accord mais qui a accepté, parce que bah, comme on fait à l'heure actuelle, hein, quand on vote pour un Hollande ou tu vois, c'est pour le moins pire, c'est pour le voilà, c'est des votes utiles ou des votes voilà, de contradiction. Donc je pense que dès le moment où on est dans dans une société où on a le pouvoir de faire des propositions, de faire des choses comme ça, le mec qui est pas d'accord mais qui a accepté, tu vois, il a fait un pas en avant pour dire voilà, je veux que ça avance. Pour l'instant, on fait ça. Et à ce moment-là, lui, il s'engage à sortir un gros sujet, une belle solution, et à la reproposer. Et là, à ce moment-là, ce sera reproposé. Mais la pluralité, elle n'est pas empêchée là-dedans. Avancer, regarde. Moi personnellement, je l'ai vu dans ma vie. Il y a plein de moments, je suis pas d'accord avec des gens, mais j'essaye quand même de toujours trouver un terrain d'entente, parce qu'au final, on est tous d'accord avec une chose, c'est qu'on veut être heureux, quoi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver un moyen pour être tous heureux en même temps, quoi? Et des fois, il faut faire des compromis, mais ça veut pas dire qu'on va s'enlever du bonheur. Ça veut juste dire que, on avait des conceptions des choses, et on piétine un peu sur notre conception des choses pour essayer de voir plus loin. Peut-être qu'on se trompe. Et peut-être qu'on peut évoluer. Mais bon, voilà, dans une société où tout est ouvert, où on peut faire des propositions, des contre-propositions, c'est pas vraiment un problème, tu vois, qu'on soit tous qu'on ait tous la même façon de penser à un moment. Parce qu'à un autre moment, derrière, quelqu'un va reprendre et va dire, oui, mais c'était pas bon cette idée, parce que ça. Et là, tout le monde va faire, ah ouais, il a raison. Donc on va faire un autre référendum. Mais il faut qu'on puisse proposer des référendums. Voilà. Bon, merci, excusez-moi d'intervenir. Bon, mais je suis critique, je m'excuse, à raison peut-être de mon âge, mais là, entre pessimisme, surplace et utopisme, on ne s'en sort pas. Hein. Et j'ai de confiance en vous et en vos capacités, mais malheureusement, les problèmes aujourd'hui de la crise n'est pas la crise du système, n'est pas la crise bancaire, n'est pas la crise de la bombe atomique, n'est pas la crise de la mancanza di lavoro, è in crise di intelligence, in crise dell'être humain qui est en perte de vitesse. Et c'est là parce qu'il y a des gens qui se comportent mal, je suis d'accord, mais si je vous fais l'esempio du travail. Mettons, est-ce qu'il y a une possibilité de créer du travail? Alors, pour créer du travail, il faut être créatif, c'est-à-dire il faut avoir une éducation telle qu'on est capable de critiquer, de chercher les choses qui ne vont pas et proposer des solutions. Maintenant, ce n'est pas le système qui est mauvais, c'est l'application qu'on a fait. Pour moi, la droite et la gauche, à peu près, s'ils sont près du centre, ils se valent. Ce qui compte, ce sont les hommes qui font ça. Si les hommes ne sont pas là, Parlons de l'époque des Lumières. L'époque des Lumières, jusqu'à ce qu'il y avait les Lumières, ça marchait et ça a révolutionné le monde. Dès que les Lumières ont commencé à s'éteindre, la révolution, en quelques jours, en quelques années, est passée de l'ancien régime à la tyrannie de l'Empire. On est passé de la République à Napoléon. Et c'est clair que sans la créativité, on peut rien faire. Bon, je fais un exemple plus concret. Si on voit la richesse qui existe dans les musées français, c'est énorme. Cette richesse, elle est à la portée de tous. Qu'est-ce qu'on fait les régimes actuels? Parce qu'il faut bien parler des régimes. Ils ouvrent les dimanches les centres commerciaux et ils ferment, quand les gens sont libres, les bibliothèques et les musées. Je suis allé au Louvre en essayant la première dimanche, les premières dimanches du mois, c'est gratuit. La file était peut-être d'un kilomètre. Le peuple a besoin d'apprendre, a envie d'apprendre, on l'empêche. Et là où il y avait besoin de mettre plus de personnes, on chicanait et on faisait passer sous les ponts de la sécurité et les gens dehors sous la pluie qui attend. Et à la fin, il y en a qui ne peuvent pas rentrer. Au musée de l'Homme, trois fois des jours de suite, j'ai fait la guerre pour rien, parce qu'il y avait trop de monde et à la fin, ils ont fermé les portes. Et après, évidemment, les tickets n'étaient pas gratuits pour rentrer dans les musées, étaient bien réservés à ceux qu'on appelle les riches. Réveillez-vous, s'il vous plaît. La création, elle est là, les emplois sont là, pleins. On n'a que les appliquer. Si on n'interdit pas la destruction du travail manuel, pas seulement manuel, je peux encore faire un esempio, l'esempio del servizio alla persona, la servizio alla persona di che inizia una grande possibilità di combattere contro il chômage. Ebbene, le servizio alla persona, il suffice di elargire, quand vous pensez che pour avoir un renseignement, fait partie del servizio alla persona, on vous demande de payer. L'enseignement sur le produit, un horaire des trains, il faut le payer, etc., etc. Bon, on me fait signe d'arrêter, j'arrête et merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, tu veux réagir ou une autre intervention, une question Personne n'a une question là-dessus, une proposition de futur possible, une façon de fonctionner possible? Non, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit à peu près, enfin dans l'ensemble. C'est bon. Sur le tirage au sort, surtout, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Je trouve qu'on n'en parle vraiment jamais assez. Je crois que le micro, il a. Non ? Ok. Donc sur le tirage au sort, on n'en parle jamais assez, je trouve vraiment. Donc je pense que ça peut être vraiment utile. Un des moyens les plus justes, il me semble. Mais après, c'est personnel aussi. Tu vois, les plus justes, dans le sens où c'est le hasard. Donc voilà. Et aussi, c'est ça que je voulais signaler. C'est important pour moi, de signaler sur une base de volontariat, évidemment, parce qu'on ne le dit jamais assez. Et je pense que, évidemment, sur une base de volontariat, les gens ne seraient pas désignés pour décider comme ça s'ils ont envie, évidemment aussi, quoi. Juste avec ce petit détail-là, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Ça me fait penser que dans le tirage au sort, il ne faut pas oublier que j'en ai parlé un peu avec la commission constitution, il y aurait un pondérage, bien sûr. Enfin, on est en train d'en parler, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais pour que ce soit réellement représentatif d'un maximum de classes sociales, il faut qu'il y ait une pondération. La pondération, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est ? Non, ça consiste à, en fait, dans le tirage au sort, essayer de faire une représentativité. Imagine, il y a 50% de femmes en France, il faut qu'il y ait 50% de femmes tirées au sort. Donc, s'il y a 15% de chômeurs, il faut qu'il y ait 15% de chômeurs tirés au sort, etc., etc. Et donc, le but aussi, c'est d'avoir chaque région représentée, une pondération par région. Une pondération par homme-femme. Peut-être on s'arrêterait jusque-là, juste là. Mais après, il y a une idée que je trouvais très intéressante, c'est la pondération de comment elle avait appelé ça, de minorité. C'est toi qui déclare ta minorité, en fait, entre guillemets, quoi. Une minorité comme ça, minorité visible, voilà. C'est l'idée de la minorité visible, qu'on n'est pas, parce que sinon on n'arrêterait pas quoi. Il y aurait une pondération pour les homos, une pondération pour chaque petite classe sociale, chaque petite minorité, et on n'en finirait pas quoi. Sinon, ce serait une, tu vois, il faudrait qu'il y ait tant d'amputés de la jambe, tant d'amputés des yeux. Non, il faut que. Par contre, on peut faire ce qu'on appelle la minorité visible, c'est-à-dire que c'est nous qui nous déclarons comme étant d'une minorité. Au moment des sondages, au moment du tirage au sort, quand on s'inscrit sur les listes de tirage au sort, on dit voilà qu'on fait partie d'une minorité visible. Et après, il y a un pourcentage et un pourcentage tiré au sort. Oui, alors là, c'est, si je dis pas de bêtises, mais c'est juste une simple règle statistique. Enfin, s'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans la population, si tu les prends au hasard, tu vas avoir forcément 50 hommes et 50 femmes. C'est de la probabilité. Donc, créer des groupes, ça sert à rien. Que tu fais une par région, je suis d'accord. Encore par région, ça dépend pourquoi. Enfin, parce que tu dis, il y avait un groupe. Enfin, voilà, les stats, ça te dit que voilà, s'il y a tant de personnes de telle catégorie, eh ben, tu vas avoir tant de personnes de telle catégorie dans ton échantillon que tu sélectionnes de manière aléatoire. Ben, c'est le hasard. Le hasard pur, quand tu lances une pièce pile ou face, c'est 50-50. Si tu fais, mais ça arrive, quand tu tends vers l'infini, ça tend vers une répartition homogène. Mais non, ça veut dire autant pile ou face. Tu joues à pile ou face. Tu lances une pièce. Tu fais voilà, donc sans le flanc. Ben, en 10 essais, tu auras peut-être 7 piles, 3 faces, mais après 1000 essais, tu auras 503 piles et 497 faces. Et là l'écart, bref, on s'en fout. Ça diminue. Voilà, la proportion est respectée. Bon, elle est pas parfaite, je suis d'accord, mais elle est respectée. Donc enfin, je vois pas l'utilité de faire ça. Bon, excusez-moi, j'insiste. Il me semble que vous voulez confier la destinée de la société au hasard. Si vous avez des éléments que j'appelle les lumières et qui ne sont pas tirés au sort, vous l'avez dans le baba. Voilà. Et vous perdez la seule occasion que quelqu'un qui a des capacités, du talent, etc., et puisse se faire valoir et vous rendre service. Attention à l'utopie. Il y a la contrepartie aussi, parce qu'au lieu d'être tombé sur un bon sujet, vous tombez sur un pervers qui, avec son talent, fait du mal. Voilà. Alors, on parle pas d'une personne tirée au sort. Je répète l'histoire. On parle de groupe de gens tirés au sort. Une assemblée. Bon, voilà. Une assemblée tirée au sort, même si c'est le hasard qui trouve la personne, c'est pas le hasard qui va les faire choisir des idées ou proposer des articles de constitution. C'est des gens qui non, c'est pas le, il veut pas être là avec une liste de propositions et faire pouf. Non, ça va être des gens tirés au sort qui vont regarder toutes les listes de propositions, qui vont éplucher et qui, en fonction de leur cœur, vont dire voilà, ça vaut le coup d'être inscrit dans une constitution, et ça non. Il y a que des gens qui sont dans l'idée du bien commun qui peuvent le faire. Quelqu'un qui sait qu'il est tiré au sort, qu'il n'a pas été choisi parce qu'il est le meilleur, qu'il a une opportunité, une seule, qu'il ne le saura plus jamais, d'écrire un article de constitution avec 2000 personnes, 3000 personnes qui sont comme lui des gens tirés au sort, même si t'as un tiers de connards, enfin d'abrutis ou de connards, ils n'auront pas le contrôle entier là-dedans. Il y aura tout le reste qui sera là pour dire non, mais ça. Et puis, faut pas oublier qu'après, c'est reproposé en référendum toujours, que c'est le peuple entier qui décide. C'est pas une minorité de gens tirés au sort qui vont décider. Eux, ils vont juste faire office de cerveau collectif. Qui est le plus représentatif du peuple français. Un homme ne pourra jamais être représentatif du peuple français. Une assemblée de 2000 personnes tirées au sort en respectant une espèce de pondération, ça permet d'être vraiment représentatif. Si chaque région est représentée, voilà, t'as chaque minorité qui est représentée, au moins, voilà, tout le monde peut dire oui. Cette personne, elle pense exactement la même chose que moi, et c'est pas moi. Et pourtant, elle a dit tout ce que j'avais à dire, quoi, tout ce que je pensais. Et ça marcherait. Enfin, ça offre une pluralité que tu ne retrouveras jamais ailleurs. Alors ça, on n'en sait pas, mais on n'a pas essayé. Est-ce que toi, tu es prêt à continuer dans ce système? C'est ça le truc. Mais après, je pense qu'il y a une notion que tu oublies, c'est la notion, par exemple, la passion. Tout simplement. Genre, disons que tu tombes pour faire de la justice et que ton ami tombe pour faire de l'économie. et que toi t'adores l'économie et lui la justice. Tu crois pas que tu seras beaucoup plus investi? Après on peut partir du principe utopiste que tous les gens veulent faire de leur mieux dans tous les domaines. Mais après il y a une question toute simple, c'est la passion. Quand t'as de la passion dans ce que tu fais, t'es infiniment meilleur que si t'en as pas. Le talent, il vient quand on s'engage à faire les choses et qu'on se donne à 100%. Il n'y a pas besoin d'histoire de passion là-dedans. Moi, je veux dire, j'ai fait un nombre de boulots, j'étais pas passionné pour, et je l'ai bien fait. On m'a toujours dit, tu fais bien ton boulot, tu fais bien ton travail. Pourtant, ça me passionnait pas du tout. J'étais plus passionné par les jeux vidéo. Et je le faisais moins bien, peut-être, tu vois. Voilà. Tout ça aussi pour dire que dans des institutions qui sont contrôlées par plein de gens, Le but, c'est d'avoir une sorte de contre-pouvoir constant, tout le temps. Et que tu pourras pas corrompre des assemblées de gens, tu pourras corrompre une personne toujours. Donc après, est-ce qu'on change de système ou est-ce qu'on reste dans celui-là? Ouais. Voilà, après, c'est peut-être... C'est vrai que le tirage au sort fait peur parce qu'on se dit... Ah, il y a un monsieur qui va intervenir. Je vais te rejoindre concernant la passion. Enfin, moi, effectivement, je trouve qu'on est quand même plus efficace quand on est motivé à faire quelque chose. Après, on peut le faire bien, même si on l'est pas, mais voilà. Donc, en fait, le tirage au sort, moi, je trouve que c'est bien pour avoir une assemblée constitutive de gens qui vont décider de certaines choses, ce qui, elles sont pas forcément expertes, mais juste une décision. Après, la création des idées... Elle pourra venir de gens qui sont passionnés. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens passionnés qui vont émettre des idées, mais un processus de contrôle démocratique par l'ensemble de la population sur la prise de décision. Mais après, la création d'idées, elle est plutôt par des gens qui sont concernés. Moi, je sais pas comment fonctionne un hôpital. Ce serait mieux qu'un infirmier ou un médecin propose un truc et qu'ensuite les autres choisissent, quoi. Alors, je vais répondre juste à ça. En fait, je pense que des gens tirés au sort, même si, comme tu dis, ils sont pas forcément passionnés, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ils vont être, entre guillemets, juste un programme. Ça va pas être forcément que des gens avec... Les gens qui seront tirés au sort vont faire attention à ce que dit le peuple. Ils vont regarder. Ils auront des cahiers de doléances, ils auront des plateformes où toutes les solutions sont proposées. Un économiste aura proposé à un mec qui s'y connaît pas trop qu'est-ce que c'est que l'économie, quelle solution économique il apporte. Et c'est à ce moment-là que le mec qui n'est peut-être pas passionné, au moment où il va voir voilà une explication qui lui parle et tout ça, il va, même si c'est pas la sienne, si c'est pas son explication, je veux dire, ce sera démocratique, alors qu'un mec tout seul, il va forcément choisir ce qui l'arrange. Alors qu'un homme qui est là et qui sait que de toute façon, voilà, dans 3 mois ou 1 an ou 2 ans, il pourra jamais revenir à cette place. Il sait qu'au moment où il est là, il peut pas écrire les choses que dans son sens. Ça sera jamais adopté, tu vois. Tout le monde est là, tout le monde est, comment est-ce qu'on dit, actif dans la société. À ce niveau-là, c'est tout le monde est un peu actif dans la société. Donc tout le monde donne son avis. Et une assemblée de gens, ils vont avoir plein d'idées. Ça va toujours être opposé, ouais, voilà. Je suis d'accord. Tu donnes ton avis. Mais le fait est que pour prendre une décision, voilà, on est dans une société de plus en plus spécialisée, voire hyper spécialisée. Et pour prendre une décision, plus t'as de compétences, plus t'es apte à prendre une décision, une bonne décision. Après, le fait est que moi, je pense que, enfin, je sais pas, ça va peut-être remettre en question ce fait de hasard aussi. Mais voilà, si tu prends une assemblée de personnes expertes, du coup, pour prendre une décision, mais que voilà, je pense que l'instinct de la personne experte pour ce qui est le mieux. De ce qui est le mieux, il y a une plus forte probabilité qu'il soit meilleur qu'une personne qui n'y connaisse rien. Après, les gens en connaissance de cause disent « on vous fait confiance, on essaye quelque chose, on essaye votre solution ». Évidemment, si elle marche pas, si on voit qu'elle marche pas, parce que moi je sais pas, comme il a dit, l'exemple de l'hôpital, moi je n'y connais rien sur l'hôpital. Il y a deux spécialistes, deux anciens directeurs d'hôpitaux qui me disent « oui, il y en a un qui me dit « il faut faire ça », l'autre qui me dit « il faut faire ça ». Je dis bon, j'en prends une des deux au hasard, je sais pas, parce que j'ai aucune idée de pourquoi laquelle est meilleure, parce que je suis incapable de comprendre pourquoi. Alors que si tu lui laisses, qu'on laisse les experts prendre une décision, on les compte, on reste dans la notion de contrôle, justement. Voilà, enfin, je veux juste finir là-dessus, qu'on reste dans la notion de contrôle, où les citoyens disent ok, on vous laisse on vous laisse tenter cette solution. Si elle marche pas, on changera. Si elle marche pas et qu'on sait que c'est pas pour des réseaux de corruption, eh bien vous n'aurez plus jamais l'occasion de reprendre une décision. Par contre, si vous avez essayé quelque chose et que ça a pas marché, ben vous avez le droit à l'erreur comme tout le monde. Mais si on sait qu'il y a des voilà, si on sait qu'il y a des ça tend vers la corruption, que la décision a été orientée pour des raisons de corruption, ben là justement on enlève définitivement le pouvoir à ces gens. Pour ce qui est des experts, moi perso je les imagine dans le jeu, mais je les imagine à côté, en tant que conseiller, que si jamais t'en as besoin, voilà, il te manque une connaissance, tu viens demander, et puis il a pas le droit de savoir la question exacte. Le mec c'est juste un expert, il répond à ta question, point final. C'est les experts, ils doivent, pourquoi? Parce que le problème c'est que sinon un expert qui est dans une place qui est confortable, où il est là, où il décide pour les autres, il va vouloir garder sa place, il aura un conflit d'intérêt. C'est pour ça que je pense que quelqu'un qui a forcément meilleur pour prendre les meilleures décisions, c'est quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêt, qui est en retrait, qui arrive à avoir à penser le bien commun. C'est quelqu'un qui ne veut pas garder le pouvoir, qui veut rentrer chez lui après et pouvoir lâcher tout ça, quoi. Parce que ça c'est utopique. Ça c'est utopique que de croire qu'une personne elle peut détenir pour les autres. Non, c'est pas possible. On est tous. Ben oui, au bout d'un moment, tu auras toujours des conflits d'intérêts. Alors, je m'excuse encore une fois, mais dans les jeux des enfants, on fait tic-tac, toc, tic-tac, et on tire au sort. L'hasard dans un milieu restreint, ça a été déjà essayé dans l'Athènes ancienne, et depuis, il me semble que la société a évolué dans une autre direction, c'est-à-dire avec ce retour au tirage au sort, disons au sort, et on renonce à 10 000 ans d'histoire, si pas plus. Il faut faire confiance à l'homme. La recherche du bien-être, c'est-à-dire, est secondaire. L'importance est que l'homme évolue. Et pour évoluer, il faut la bagarre. Non la bagarre triviale, la bagarre violente, etc. Mais il faut la compétition. Et dans la compétition, on émerge. La saine rivalité, oui. Mais à un certain moment, on est satisfait de l'histoire et on essaye d'avancer, ou autrement, on l'efface et on retourne au temps primitif. Je suis sûr que dans les tribus sauvages, les tirages à sort, c'est un très bon système. Un très bon système. Et ça n'existe pas. Mais il y a qui trichent en plus. Qui sont capables de tricher. Vous connaissez l'Islande? Vous savez ce qui s'est passé en Islande? C'est actuel, hein, et les gens l'ont fait actuellement, hein. Je veux dire, maintenant, là-bas, en Islande, un politicien ou un banquier qui est véreux, il l'enferme en prison. Et c'est évident que dans un peuple solidaire, capable d'avoir un niveau d'intelligence, un niveau de critique, parce qu'il faut être critique vers la réalité, s'ils sont d'accord, ils seront capables de renverser n'importe quoi, ils sont forts. Et c'est parce qu'ils sont bien élevés, bien éduqués et de bon niveau. Évidemment, si j'entends parler qu'il y a des classes qui veulent écraser d'autres, qu'il y a de la corruption, que la monnaie est mauvaise, etc., comment on peut s'en sortir si on ne s'occupe pas du niveau de l'intelligence? Revenez quand même à la révolution. C'était une bonne chose jusqu'à ce que les lumières étaient là. Quand les lumières sont parties, vous êtes resté dans les noirs. Voilà. C'est le problème de choisir les gens par leur talent. C'est qu'une fois que les gens sont partis, eh ben on se retrouve comme des couillons, complètement démunis. On n'a pas appris comment s'en sortir avec, alors qu'on n'avait pas le talent, etc. C'est ça le problème. Donc, bonsoir tout le monde. Je voulais revenir sur le point sur les experts. Donc c'est bien que vous ayez parlé à trois là. C'est bien que vous ayez pu parler à trois. Donc moi, je suis d'accord avec le monsieur. À condition où il y a une saine rivalité, moi, je pense que, en termes de juge de paix, avec déontologie, je pense que on peut faire appel à des experts. Ils ont fait les études. Eux-mêmes, il y a eu de la compétition pour qu'ils arrivent là. On donne pas les accréditations comme ça, on donne pas les licences comme ça, on donne pas les permis comme ça, on donne pas le droit de former comme ça, on donne pas le droit de donner son avis comme ça. Après le problème, bon, quand on prend la justice, c'est un peu le poulailler, parce que vous avez des experts qui sont à la fois du côté des victimes et du côté des assurances. Donc c'est vrai que là, on peut critiquer, il y a toujours un mélange, mais là on parle d'ultralibéralisme, c'est toujours la même chose. On paye tout le monde. On paye. Les assurances, les banques. Mais pour revenir sur les experts, je suis désolé. En France, il y a de très bons experts. Par exemple, il y a de très très bons experts judiciaires. Voilà, on fait appel à eux régulièrement dans les tribunaux. Ça se passe toujours très bien. Ils ne sont pas rémunérés énormément, mais bon, c'est très bien. Il y a les traducteurs pour les étrangers, c'est obligatoire. Vous savez ceux qui travaillent au Black pour le... Bref, juste pour terminer, voilà, moi je suis parfaitement d'accord. À cause de ceux qui ont une saine compétition, faire appel à un expert, c'est quelque chose de nécessaire. Voilà. On ne fait pas partie d'une majorité, c'est certes une minorité, mais bon. Ouais, bonjour. Non, je disais, pour revenir au sujet de la politique future, il faut ramener les institutions en bas. C'est-à-dire il faut démocratiser le système en profondeur. Comment ? Moi, je pense toujours que ce sont les hommes qui font les lois et non pas les lois qui doivent dominer les hommes. Je pense que les hommes ont beaucoup de choses à faire et on ne peut pas. Il n'y a aucun pays au monde ne peut passer d'un système à un autre subitement. Il faut une période de transition. C'est-à-dire, à l'intérieur du capitalisme, à l'intérieur de la démocratie, à l'intérieur de l'oligarchie, il faut qu'il y ait une période de transition pour qu'on passe d'un système libéral à un système démocratique réel. C'est-à-dire, il faut des hommes, moi je pense, je crois toujours, on en parlait hier, mais je le dirai toujours, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense à l'intérieur du système politique que nous connaissons aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le système, des grands décideurs, que ce soit politiques, économiques ou autres, qui sont contre le système. Vraiment, et qui sont honnêtes. Il y en a beaucoup, plus qu'on croit. Mais ils sont dans le système, mais dans le même temps ils sont contre le système. Seulement ils n'ont pas trouvé un espace politique. Ils n'ont pas trouvé un espace politique, les hommes, les circonstances à travers lesquelles ils peuvent se manifester. Ils peuvent construire et mettre en place un projet qui va dans ce sens-là. Comme Nuit Debout, tu vois, il le fait. Mais je pense qu'il faut faire un nettoyage. Quand on voit l'Assemblée nationale composée par 80%, mais plus de 80% sont des énarques ou des fonctionnaires, ça pose un problème de représentativité. Donc il faut, au lieu que ce soit des grands énarques ou des grands technocrates, il faut ramener au moins des gens qui viennent de la société civile. Déjà commencer par ça. Ouais. Et je pense qu'il faut, il faut multiplier les forums comme on fait ici, dans des lieux, c'est-à-dire à la campagne, dans les périphéries, dans les endroits, tu vois, qui sont ignorés de la France, pour rencontrer justement la France profonde, et rencontrer, comme tu dis, tu vois, les gens qui sont pratiquement invisibles. Et c'est le temps qu'ils soient visibles, parce qu'on a vraiment besoin. Alors, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, y a déjà des trucs qui existent. Par exemple, à Grenoble, il y a un maire qui est très sympathique, apparemment. Parce qu'ils ont créé des assemblées citoyennes. Il y a une histoire de pétition où il suffit que 10% de la population ait signé la pétition. Ça passe au conseil municipal. Si le conseil municipal refuse, la proposition est passée en référendum. Et si 50% de la population dit oui, alors la proposition passe. Donc en fait, il y a déjà des initiatives locales qui se rapprochent de la vraie démocratie. Et moi, je pense qu'en tant que citoyen, on a un pouvoir d'action qui est quand même relativement faible chacun. Mais si on arrive à l'imposer au niveau local, si on arrive à voter pour des gens qui nous proposent des vrais trucs, je sais pas, moi je me disais un label démocratie, d'essayer d'imposer ça pour les candidats aux prochaines municipales ou un truc comme ça. Et si la moitié de nos maires ou les trois quarts de nos maires, s'ils sont issus de ce processus-là, ils vont vouloir... on pourra essayer peut-être d'avoir un poids pour reproduire ça à plus grande échelle plus tard, etc. Et comme tu le disais, ça viendra pas d'un coup, mais si on l'impulse à petite échelle, on est sûr que finalement, ça va rouler et ça va finir par gagner du terrain. il y a déjà quelqu'un. Et juste à propos des experts, un petit truc. Moi, je suis d'accord qu'ils doivent être là, ils doivent donner de la voix, mais ils ont un rapport de, ils doivent vulgariser. Ils doivent pas prendre la décision. Pour moi, ils doivent expliquer aux autres, parce que si l'expert prend la décision et que les autres n'ont pas compris, ben moi, je vais me sentir mal. Je vais me dire, mais attends, c'est juste moi mon ressenti. Je vais dire, vas-y, c'est une loi que j'ai pas compris. Et si ça se trouve, il me la met dans le cul. Alors, honnêtement, si l'expert il me dit, bon, ben les gars, ça marche comme ça, je vous l'explique avec vos mots et ce que vous pouvez comprendre, et il va me l'expliquer jusqu'à ce que je le comprenne, et là, je pourrai prendre ma décision. Et là, tout le monde sera content avec. Sinon, il va y avoir un blocage et ça va revenir forcément d'une mauvaise façon. Voilà. Non, mais justement, la question du tirage au sort, vous m'entendez là ou... La question du tirage au sort, moi j'ai découvert ça en venant ici, donc je trouve ça vachement intéressant. J'ai pas d'idée vraiment sur la question. Ce qui me fait un peu peur, la dame parlait tout à l'heure par exemple des grandes questions comme l'avortement ou la peine de mort, enfin voilà, des choses comme ça. Quand on voit même avec les attentats ce qu'il y a eu, les propos vraiment de haine, qu'aussi une certaine... Non, bah, moi je te parle de ce que j'ai entendu moi dans la vie, je regarde aucun média, donc bon. Non, voilà, c'est... Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas nier non plus que sur des grandes questions comme ça, si demain tu fais un référendum sur la peine de mort, moi, franchement, je pense qu'elle aurait vraiment de grandes chances de repasser vu ce qui se passe. Parce qu'on peut pas nier non plus que les gens, justement, sont manipulés médiatiquement. Donc, à mon avis, il y a plein de paramètres qui sont extrêmement complexes à prendre en compte. Parce que, bon, enfin voilà, je sais pas si vous avez un peu vu le problème. Et comment, parce que quand on n'a pas les connaissances sur quelque chose, on a tendance à juger avec nos sentiments personnels, avec la passion. Et ça me semble être une dérive extrêmement dangereuse. Juste pour dire que je pense que le chiffre du coup que tu avançais dans la majorité est peut-être important. Parce que par exemple, si on posait la question de la peine de mort, voilà, si on fixe le chiffre à 80%, est-ce que 80% des gens seraient d'accord pour la peine de mort? Je sais pas, enfin, j'en sais rien, je peux pas me prononcer pour les gens, bien sûr, mais voilà. Ouais, alors ouais, pour ça en fait, ça part d'une peur, c'est une peur de l'inconnu en fait. Mais faut pas oublier une chose. Que la plus haute juridiction en France, elle est tirée au sort. Hein. C'est des gens tirés au sort qui vont dans les tribunaux et qui vont juger des gens. C'est des gens tirés au sort. Bah, c'est une des plus hautes juridictions. C'est pas la plus haute, mais disons que c'est dans beaucoup de jugements, quand ça devient grave et tout ça, on fait appel au tribunal populaire. Enfin, tout ça pour dire que c'est un truc qui existe, qui est un exemple et que c'est pas archaïque. Je veux dire, si c'est pas parce que Athènes ils l'ont utilisé il y a 200, enfin tu vois, il y a longtemps que c'est quelque chose d'archaïque. Hein, je veux dire, pourtant l'idée du chef et d'un représentant, ça existe depuis le début. Hein, c'est toujours là. Hein. Et ça c'est archaïque. Ça c'est vraiment un truc qu'on a expérimenté tous depuis des années. Ouais. Je sais pas qui c'est. Qui ça? On connaît pas Magimela. L'acteur du 16e qui a renversé. Et puis, Magimela, ça c'est un exemple. Moi, parce que pour une bagarre avec la SNCF, on m'a foutu en détention, on m'a foutu en prison. Hein? Et il n'y avait pas de moyen pour moi, simplement. Et puis, je voulais vous dire aussi un point. Parce que moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Quel avenir pour votre mère dans tout ce bordel qui se passe en France? Et Taubira, c'est une matate. Mais en fait, la Guyane française, c'est quoi? Mais je comprends rien dans tout le bordel. Hein? Et pourquoi territoire outre-mer? Pourquoi on est toujours sous le truc d'esclavage, esclavage, ancienneté? Quel avenir pour nous? Et puis, parce que moi je suis black, je me retrouve en France. L'armée, j'ai fait l'armée à Colmar, j'ai fait mes affaires. Là maintenant, j'ai la quarantaine. Mais quel avenir pour nous, quoi? Dans tout ce bordel, c'est pas. Je sais pas si moi je peux répondre à la question. Ah, de quoi? 18h30 à 19h, il y a un autre débat. Moi, peut-être juste pour vous répondre, justement, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de mettre en place, c'est qu'au moins les citoyens puissent choisir ou pas de ce qui se passe dans leur pays et ailleurs. Je pense que si on avait le pouvoir de dire les choses ou proposer des choses, ça s'appellerait déjà peut-être plus des territoires d'outre-mer. Je sais pas, je pense qu'il y aurait des choses très différentes qui se passeraient là-bas. Peut-être même le peuple guadeloupéen ou les peuples qui se sont créés là-bas, qui sont issus de l'esclavage mais qui sont devenus des peuples quand même, hein, je veux dire, on va pas non plus voilà, et ben ils ont aussi à écrire leur constitution pour leur île et tout ça, hein. Enfin, ouais, c'est ce que je pense. Juste pour vous dire, peut-être qu'entre dans ici, il y a des gens qui ont envie de, enfin, si vous êtes là, sûrement d'essayer de trouver des solutions et de les mettre en application. Il y a des mouvements citoyens qui existent déjà, par exemple les villes en transition. Je ne sais pas si vous connaissez. L'idée, c'est que d'ici 10 ans maximum 20 ans, il y aura beaucoup beaucoup moins de pétrole. Il va devenir beaucoup beaucoup plus cher. Et on est non, je pense que c'est une fausse, un faux problème, le chômage, mais bon. L'idée c'est que on va devoir réinventer un peu nos vies parce que on est très dépendant au pétrole. Par exemple, sur vous êtes tous habillés avec des trucs qui ont été faits au pétrole. Vous utilisez des trucs, enfin, il y en a partout. Donc l'idée c'est de réinventer dans le polyester de ce monsieur, c'est le pétrole. L'idée, c'est de réinventer nos vies, en fait, en se disant, comment on veut que soient nos vies dans 10 ans, 20 ans, et trouver des solutions par des commissions citoyennes, en essayant de se rassembler. Moi, j'ai envie de travailler sur ça. Et c'est vraiment un mouvement qui est super, qui est vraiment dans le positif, essayer de trouver des solutions ensemble, de façon consensuelle. Et voilà, si vous êtes intéressé là-dessus, c'est vraiment motivant, donc n'hésitez pas à regarder. Merci, mais c'est vrai que faites-le, n'hésitez pas. Juste pour répondre à un tout petit truc, après je donne la parole à monsieur, pour ce qui est, et même à toi en même temps, pour ce qui est des initiatives citoyennes, c'est un peu ça, Nuit Debout. C'est venez, on est là partout, on discute, on débat alors qu'on se connaît pas, on apprend chacun à animer des débats. Pour te répondre plus précisément, partout en France ça existe déjà, hein. Je veux dire, il y a plein de Nuits Debout partout qui se font dans des petits villages. Moi, quand je vais rentrer là le 22 dans le Gard, je vais continuer de le faire en roulotte, en allant d'endroit en endroit, de place en place. Je vais continuer de faire ça. Et un autre truc, maintenant ça existe sur internet, on a un outil, n'hésitez pas à vous l'approprier, un outil très simple qui s'appelle Mumble, qui s'ajoute sur téléphone Android ou sur ordinateur, qui permet en fait des salons virtuels d'exister. Donc c'est des salons, ça permet tous de dialoguer. Le soir, tard, vous n'avez pas envie de regarder la télé, vous allez sur Mumble et vous vous retrouvez avec 400-500 personnes dans un débat démocratique avec des gens de toute la France ou du monde, peut-être des Irlandais, peut-être des gens qui font Nuit Debout dans d'autres pays. Ça, c'est un outil qui existe et qui fonctionne. Moi maintenant, je me fais plus chier. Quand je rentre chez moi le soir, je me branche à Mumble, je suis direct dans un réseau avec des gens que je commence à connaître. Je veux dire, même de façon virtuelle. Alors, ça s'écrit M comme Martin, U, B, non, Mumble. Alors, M-U-M-B-L-E. Voilà. Non, alors, en fait, je pense que j'ai des résumés. Quand ils disent des choses très nulles, très, très intéressantes, j'ai des résumés après sur Internet où on en discute. Mais il y a d'autres gens qui le font, qui aiment bien faire ça, je ne vais pas me l'infliger. Hein. Voilà. Je crois que j'avais plus rien à rajouter. Ouais, je crois que là-dessus, je t'ai répondu. Oui, moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la question des experts et du tirage au sort. La première chose, à mon avis, il faut être assez vigilant. Le camarade disait tout à l'heure, je veux qu'on m'explique, qu'on me réexplique, qu'on me réexplique jusqu'à ce que j'ai compris. À mon avis, il faut être très clair sur une chose, c'est que il n'y a pas d'objectivité absolue sur n'importe quel sujet, quoi. Ce qu'on appelle un expert, c'est toujours quelqu'un qui adopte une certaine position sur un problème et qui la résout avec certains principes qui sont rarement explicites, quoi. Donc les experts, ils proposent une expertise à certaines personnes et ils servent certains intérêts ou certains buts, quoi. Donc l'idée qu'il y aurait des experts parfaitement objectifs qui seraient là pour servir le peuple, à mon avis, c'est une illusion. Mais absolument, si tu associes l'objectivité et la déité, il va falloir y revenir. Non mais simplement sur l'objectivité précisément, un peuple il a une forme de subjectivité. Moi je pense que ce qu'on fait à Nuit Debout par exemple, c'est construire une forme de subjectivité qui n'est pas celle de ceux qui regardent BFM TV par exemple. Hein, la subjectivité ça se construit hein, précisément. La deuxième chose c'est un peu général parce que je sais pas comment le tirage au sort pourrait se mettre en place. Seulement le tirage au sort, il me semble que c'est l'essence même de la démocratie au fond. Qu'est-ce que c'est que le tirage au sort? Enfin, si vous voulez, il y a de nombreux principes possibles pour établir un pouvoir. Ça peut être la force, la richesse, la compétence des experts, etc. La démocratie, elle a pour fondement, au fond, pas tant la souveraineté du peuple que la souveraineté de ceux qui n'ont pas de compétences particulières pour gouverner. La démocratie, c'est le pouvoir à ceux qui n'ont pas une compétence ou un principe particulier. C'est ceux qui ne sont pas riches. Donc c'est même pas le gouvernement de tous. C'est le gouvernement de n'importe qui. Hein, la démocratie, c'est que n'importe qui peut gouverner, à mon sens. Alors après, comment est-ce qu'on met en place des structures qui permettent à ce que un gouvernement par tirage au sort, ou ben, pas un gouvernement, mais au moins une forme de cadre démocratique tiré au sort soit bien mis en place, je ne sais pas. Mais en revanche, c'est une idée qu'il faut creuser parce qu'elle est au fondement même de la politique elle-même, quoi. Si c'est que les experts qui gouvernent, il n'y a pas de politique. Ils gouvernent, ils ont la science, ils savent ce qu'il faut faire. Si c'est les riches, etc. Voilà. Je veux juste rajouter un point technique par rapport à ça. N'oubliez pas que quand cette idée de tirage au sort, là, elle se diffuse, il y a une autre idée qui vient avec derrière, qui est la non-cumulation des mandats. Tu es tiré au sort pendant un temps, tu sais que tu ne le seras plus jamais. Là, c'est pareil, quoi. Les experts, si on les tirait au sort, ça pourrait être intéressant aussi. Ils savent que pendant la moitié d'un quinquennat d'une assemblée constituante, tu vois, qui est, disons, imaginons, deux ans. Deux ans pour une assemblée tirée au sort pour écrire une constitution. S'il y a des experts, ils sont là pendant la moitié. Et pendant ce quinquennat de cette assemblée constituante tirée au sort, ça, il y a un roulement de ces experts. Ils sont pas là du début à la fin. Ils viennent, ils proposent, et à la moitié, paf, ça bouge. Ça peut même y avoir un roulement plus rapide, hein. Ça, j'en sais pas, je suis pas expert pour savoir c'est quoi le plus démocratique. Mais voilà, faut pas oublier que quand on parle de tirage au sort, on parle aussi de grosse rotation et de non-cumulation. Voilà. Très vite là-dessus, puisque tu évoques le fait de rédiger une constitution, moi je parlais en général, hein. La question de la constitution, il me semble qu'il faut, enfin, c'est sans doute très bien que les gens s'approprient cet outil-là, etc. Je voudrais simplement ajouter que si on veut établir n'importe quelle constitution, il faut aussi se poser la question des moyens pour accéder à la simple possibilité d'établir une nouvelle constitution. Et ça passe pas par de la politique. Pas par de la politique institutionnelle en tout cas, ça passe par des moyens qui se trouvent à l'extérieur de la place de la République. Je pense que ça passe par l'éducation populaire politique, plus ou moins. Alors, moi, avant qu'il y ait Nuit Debout, j'avais beaucoup d'optimisme parce que justement, je connaissais cette idée de tirage au sort et de réécrire une constitution, ça m'intéressait. Et je me disais, il y a un truc contre lequel des dirigeants, même bien placés, ils ne peuvent rien faire. C'est quand, d'en bas, de tout en bas, on recommence à se rééduquer entre nous. Qu'on crée une sorte d'éducation massive en créant un maximum de dialogue entre les gens, en commençant à créer des ateliers d'études de tel ou tel sujet, la Constitution ou pas de la Constitution, ou alors juste du tirage au sort, ou alors juste il y a plein de petits sujets comme ça qu'on peut entamer chacun de notre côté. On est tous capables de le faire, hein, et je pense que ça c'est quelque chose, ils ne pourront jamais rien contre. C'est pas un coup de matraque, c'est pas une contre-pub médiatique qui pourra empêcher un truc comme ça d'exister. Si chacun de notre côté, on se met à former des gens, à être eux-mêmes formateurs pour faire de l'éducation populaire en masse dans toutes les couches de la société, voilà, toutes les couches populaires. Je pense que si déjà on se met à tous faire ça, qu'on se pousse les uns les autres à le faire, à s'organiser des petits trucs d'études où au moins on éduque un maximum de gens qui ne sont pas forcément éduqués. Mais quand je parle d'éducation, je parle pas de les formater, je parle de proposer une autre forme d'éducation. Voilà, c'est pas leur dire celle-là c'est la meilleure, mais c'est leur dire il existe aussi ça, parce qu'à la télé on vous le montre pas, mais il y a ça. Et regardez, nous pendant une semaine on se tient là et on donne les infos à qui les veut. Voilà, vous venez les chercher, vous en parlez, et puis vous apprenez à faire pareil de votre côté. C'est là, à mon avis, où il y a un réel futur possible, que ça me paraît pas intouchable, parce qu'on peut le faire et on le fait déjà, quoi. Nuit debout, c'est un peu ça, quoi. C'est des pôles d'éducation populaire en place publique. Et tout le monde sait maintenant que s'il va devant la mairie de son village ou à République à Paris, il va rencontrer des gens qui vont lui apprendre des choses qu'il ne savait pas et à qui il va pouvoir apporter les choses que eux ne savaient pas. Donc moi, je pense que c'est notre pouvoir et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais empêcher. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que c'est comme c'est de l'ordre de l'idée qu'on se passe des idées. C'est pas quelque chose qu'on peut empêcher, quoi. C'est vraiment parce que de toute manière. On a une puissance à aller dans la rue, on est, comment est-ce qu'on dit, légitime à parler à n'importe qui, on sait ce qu'on a au fond de nous, donc on n'a pas peur de le faire. Maintenant, on sait qu'on a l'espace pour le faire et que les places publiques, pardon ? Voilà, c'est légitime d'un n'importe qui d'occuper la place et de continuer de faire de l'éducation, tout le monde en est capable. Moi, j'aimerais bien vous poser une question. Je ne suis pas spécialiste de ces questions démocratiques, ainsi de suite. Ah, pardon. Je vais essayer de te donner, je suis désolé, je te tutoie, de te donner un exemple précis pour que tu puisses nous expliquer, en fait, ce système des sociologies des communs. On est en train de construire quelque chose en commun. Dieu sait qu'aux États-Unis, dans les pays du Nord, ça a existé, on a une théorie des communs. Maintenant, en admettant qu'on est dans un système démocratique achevé, on a nos institutions, nous avons choisi nos élus, nous avons tiré au sort des gens qui ont réfléchi et qui ont construit, il s'avère que un de ces représentants, nos représentants, a fait une bêtise. Et cette bêtise, je vais te la raconter comme ça, en admettant que c'est Balkany. Alors, une grosse bêtise. Attendez. Alors, comment... Ma question est la suivante. Comment peut-on construire un juré citoyen ou un juré populaire, d'ailleurs ça se discute, pour révoquer cette personne? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, moi. Comment peut-on construire un juré citoyen ou un juré populaire, comment l'appeler, comment le tirer au sort pour qu'on puisse révoquer, puisque la justice ne le révoque pas, il est toujours là. Comment le révoquer? Ah, il veut pas parler, en fait. C'est l'assemblée populaire, c'est sur la démocratie. Et donc dis-vous, l'assemblée populaire, comment t'en t'es à 3 minutes, juste de l'autre côté de la page. Donc si vous voulez poursuivre le débat sur la démocratie, la commission restauration de la démocratie qui avait un sondage et une enquête présentera vos conclusions pendant une demi-heure et après on pourra ouvrir un débat. Voilà. Attends, juste, à mon avis, il y a un autre point, je ne sais pas si ça a été évoqué jusqu'ici, qui doit, à mon avis, obligatoirement s'allier à la question du tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, c'est celle du mandat impératif. Qui que ce soit qui est tiré au sort, ou élu d'ailleurs, ça ne s'oppose pas. Le mandat impératif, c'est quoi? C'est qu'un conseil, une assemblée, un certain nombre de gens réunis, donne un mandat, c'est-à-dire un certain nombre de réquisites à appliquer par la personne qui est soit élue, soit tirée au sort. Si il ne suit pas le mandat, il est révoqué de manière automatique. Comme pendant la commune, absolument. Et le mandat impératif, si vous voulez, alors c'est intéressant parce que dans notre en fait, impératif est révocatoire, quoi. Il faut que, dès que le mandat n'est pas suivi, on soit révoqué par définition. Et simplement, ce que je veux dire, c'est que dans notre constitution, à nous, il est écrit que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que la constitution de la 5e République est par essence, à mon avis, antidémocratique, puisque tous les mandats sont simplement consultatifs, on pourrait dire. On élit quelqu'un sur un programme, mais il peut faire exactement ce qu'il veut. Et si on voulait... Oui, en fait, d'un système représentatif qui n'est pas véritablement une démocratie. Alors moi, sans revenir sur... Enfin... Je voulais revenir sur quelque chose. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun candidat qui nous représente à fond. C'est que pour moi, une élection, le fait de choisir un candidat, on ne choisit pas le candidat que nous voulons, mais on va choisir. Enfin, moi, je vote à chaque fois pour le moins pire. Et pour moi, la démocratie n'est pas cela. Et de ma courte expérience, j'ai voté Bayrou en 2007. Pourquoi ? Bah, je ne voulais absolument pas Sarkozy. J'ai voté Hollande parce que je ne voulais pas Sarkozy. En fait, on nous donne un... Nous ne choisissons pas qui nous représente. C'est, on va toujours vers le moins pire. Donc quand on dit qu'on choisit un candidat, ce n'est pas vrai. On vote à chaque fois, je pense, pour beaucoup de gens, par défaut. Mais on ne choisit pas un programme. On choisit le moins pire des programmes ou un programme qui nous ressemble vaguement, mais alors très très vaguement et de très loin. Et donc je ne sais pas quoi faire pour les prochaines élections. Hein. Exactement. J'en suis arrivé à la... Je ne voterai plus jamais par défaut, parce que ça, c'est aussi cautionner un système, cautionner une élection. Et je suis arrivé à cette conclusion que je ne voterai plus jamais par défaut, alors que j'ai toujours voté par défaut. Voilà. J'en suis pas sûr. Je ne pense pas. Le chantage au Front... le FN a été monté par Mitterrand pour diviser la droite. Enfin, bref, c'est à chaque fois, ce sont des calculs. Alors, ça marche. Alors, je reviens juste sur un dernier point aussi. Quand on parlait des experts qui gouvernent, moi, je ne pense pas que ce sont des experts qui gouvernent, mais je... Non ? Excusez-moi, alors. Mais en tout cas, je pense que les experts sont là pour cautionner des lobbies et des groupes de puissance. C'est tout. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font pression, qui ne sont même pas des politiques. Moi, je ne pense pas que Hollande soit l'homme qui a le plus de pouvoir en France. Mais alors, loin, loin, loin de là. C'est-à-dire qu'on a des groupes économiques qui sont internationaux et qui, les experts viennent justifier la politique. En rien, ils ne font la politique. Voilà tout ce que je voulais dire. Alors, je suis très d'accord, mais en fait, il faut que je fasse une conclusion. Vas-y. Voilà, je voulais juste poser une question. Là, c'est... Moi, enfin, je suis d'accord qu'on discute de ce qu'on veut, donc c'est très bien, mais on sait pertinemment qu'on n'aura pas instantanément ce qu'on veut. Donc le monsieur a parlé de transition, donc moi, et aussi de localité, donc je pense qu'il faut aussi proposer en même temps. Enfin, si je pense vraiment pour que le mouvement Nuit Debout prenne forme, c'est qu'elle propose un schéma de transition intelligent vers un modèle, mais pas juste un modèle, parce que dire un modèle, parce qu'après on va vous rabattre dans la gueule, mais comment on y arrive? Voilà, et la question aussi, c'est comment on le fait, la question de localité, de globalité, voilà, à quelle échelle on l'applique, voilà, enfin, on est dépendant des pays qui sont autour de nous, à échelle locale et globale, on est dépendant de l'Europe, du reste du monde, donc voilà, et on veut tous tendre vers le bonheur des autres, vers notre bonheur et le bonheur des autres, mais on sait qu'on est plus heureux quand les gens autour de nous sont heureux. Donc vers le bonheur de tout le monde, mais on sait aussi que voilà, on peut pas arrêter la faim, par exemple les milliers d'enfants qui sont en train de mourir de faim en Afrique instantanément, et en même temps changer. Enfin, on peut faire les deux en même temps évidemment, mais voilà, il faut établir des priorités. Il y a plein de choses, donc il faut vraiment travailler à fond sur la transition, sur comment faire cette transition vers un modèle dont on a tout le temps de discuter si on a une phase de transition vers lui. Donc voilà. Non, je vais conclure, monsieur. On va continuer de toute façon la discussion là, juste derrière. Pour conclure, je vais essayer de faire un petit résumé de tout ce que j'ai raconté. On a parlé de tirage au sort, on a parlé d'assemblée de citoyens tirés au sort qui seraient là pour contrôler les institutions, voire peut-être les révoquer. On a parlé de mandat, impératif. Où n'importe qui est tiré au sort ou élu peut être s'il ne respecte pas son mandat viré. Non, monsieur. Oui. Oui, mais en fait le problème du choix des candidats, c'est ce que j'ai pas réussi un peu à dire, c'est le fait de choisir quelqu'un. C'est en fait le moment où tu enlèves ton implication, ton seul moment où tu peux être citoyen, où tu vas devoir choisir des lois ou quoi que ce soit, tu le donnes à quelqu'un, tu dis ah mais lui il va mieux faire. Non, c'est pas possible en fait, monsieur. Quelqu'un qui veut le bien commun, s'il a un tout petit peu quelque chose à gagner dans tout ça, dans cette position là, il va avoir un conflit d'intérêt direct. Il pourra pas penser au bien commun. Le seul qui peut penser au bien commun, c'est celui qui sait qu'il va être là que pour servir et qu'à la fin, il rentre chez lui, il repart dans sa vie d'avant, quoi. C'est-à-dire, il était chauffeur de bus parce qu'il aime ça, c'est ce qu'il kiffe. Et ben, il est tiré au sort pour aller contrôler un média ou pour aller réécrire une constitution. Et après, il rentre chez lui. Et il peut que penser au bien commun dans une situation où il sait qu'il va pas garder la place où il est, quoi. Et voilà, je vous propose qu'on continue ce débat à côté, parce que voilà. Merci beaucoup à toi. Donc, ce soir c'est fini. On sera là demain à nouveau. On a des programmes pour ceux qui le veulent, pour le programme de samedi et dimanche. Si vous avez des interventions à nous proposer pour la semaine prochaine, elles sont bienvenues. N'hésitez pas à venir nous voir. Pareil, si vous voulez filer un coup de main, c'est toujours très bienvenu. On n'est jamais suffisamment, mais on n'est jamais suffisant non plus. Donc voilà, et je vous remercie. Bonne soirée. Juste un petit mot, là, j'ai fait une présentation sur la monnaie, la création monétaire tout à l'heure, si vous vous souvenez. Donc là, on est en train d'installer un jeu qui s'appelle le jeu de la monnaie. Vous allez pouvoir expérimenter différentes façons de tenir nos comptes entre nous, des systèmes symétriques à crédit mutuel et surtout le système bancaire. Et on s'aperçoit, et c'est vraiment passionnant, que les comportements des joueurs changent selon le système de comptabilité qu'on utilise. Donc si vous voulez venir jouer, c'est un jeu absolument génial qui s'appelle le jeu de la monnaie. Donc pour l'instant, on est installé là, mais on va aller de l'autre côté de la place, à côté de la logistique, si vous voulez venir nous rejoindre, parce que là-bas, on a du courant pour la petite sono qu'on a avec nous. Donc venez nous rejoindre et venez participer à ce jeu. C'est vraiment révélateur. Merci.